Quand le soleil apparaît et fait fondre la neige sur le toit, au retour des oies, on pourrait faire un feu pour passer la nuit tricoter en silence. Pendant que tu danses l'île d'Orléans, refuge pour les amants, beauté millénaire. L'île d'Orléans, c'est par le courant, regardez les oiseaux dans le vent. Viens marcher dans les bois pour aller écouter les érables doucement couler. On ramassera du bois pour fabriquer une cabane dans un arbre pour se réfugier. L'île d'Orléans, refuge pour les amants, beauté millénaire. L'île d'Orléans, c'est par le courant, regardez les oiseaux dans le vent, si près de la ville.